Thank you. je vais vous chanter une chanson. C'est l'histoire d'un homme qui part à l'école. Est-ce que Jean-Pierre, tu as écouté le dernier album de Renaud ? Chose qui craque. Thank you.